France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Sur d'autres destinations très courues, très touristiques, ont surgi tant et tant de romans et de récits de toutes sortes et de qualités variées. À quel roman songer lorsque l'on évoque Bruges ? Bien sûr, un roman publié par un écrivain belge de langue française à la fin du XIXe siècle, Bruges, la morte, de Georges Rodenbach. Le héros, Hugues Viane, passe toutes ses journées dans sa chambre, une vaste pièce, nous dit l'auteur, au premier étage, dans les fenêtres donnaient sur le quai du Rosaire, au long duquel s'alignait sa maison, mirée dans l'eau. Un roman, à coup sûr, qui fit redécouvrir une ville, qui la sauva, en quelque sorte, de l'oubli, ou d'un destin tout autre. En 1992, Daniel Busteau et Christine Robert avaient posé leur micro à Bruges, le temps d'une nuit magnétique. Et dans le silence, arriva un bruit de cloches, toutes les cloches à la fois, qui se remirent à tinter pour la rentrée de la procession à la chapelle du Saint-Sang. C'était fini, le beau cortège, tout ce qui avait été, avait chanté, semblant de vie, résurrection d'une matinée. Les rues étaient de nouveau vides, la ville allait recommencer à être seule. Et Hugues continuellement répétait, « Morte, morte, Bruges la morte !» D'un air machinal, d'une voix détendue, essayant de s'accorder, morte, morte, Bruges la morte, avec la cadence des dernières cloches, lasse, lente, petite vieille exténuée qui avait l'air, est-ce sur la ville, est-ce sur une tombe, défeuillée languissamment des fleurs de fer. Stigmate du passé, où le moindre signe passe par les regards du lyre. Voilà quel est à présent mon chemin, où est le vôtre ? Répondais-je à ceux qui demandaient le chemin, car le chemin n'existe pas, ainsi parlait Zarathustra. De la même façon que les canaux noirs de la ville de Bruges ramènent, et comme malgré soi vers un point de passage obligé, Bruges la morte, de Georges Rodenbach, publié d'abord en feuilleton dans le Figaro, voilà un siècle, de février à juin 1892, puis en volume, produit un entrelacs de fiction. Ce n'est donc pas d'une célébration qu'il s'agit, mais de la recherche de ce qui a pu enclencher de nouvelles fictions à partir de ce motif de tragique urbain, et surtout de la connaissance à vif de ce qui fait retour dans le réel d'un écrivain d'aujourd'hui, particulièrement cité, Didier de Deckers, ou dans celui de Sabine de Calendar, qui travaille entre Paris et Bruges et sur plusieurs domaines. Écriture, dessin, vidéo, installation, etc. Cet entre-là, c'est aussi le point de jonction d'où la rencontre se fait, ouvrant à l'imaginaire de part et d'autre pour en dessiner la lettre X. X, H-I-X-E, c'est ainsi le nom d'une nouvelle de Didier de Deckers. août 1991. C'est un fait divers d'autant plus saisissant qu'il a eu lieu en plein été, comme s'il était encore plus malvenu que la folie puisse saisir quelqu'un au beau jour. Ainsi un Nietzschéen devenu fou en jouant au tennis ailleurs. J'ai connu Bruges après avoir connu l'œuvre entière de Rodenbach, adolescent, et je suis devenu, comme beaucoup, amoureux de cette Venise du Nord et de l'ouvrage qui la traite si singulièrement à travers une tresse subtile. C'est une des amies de Aube qui m'avait conduit à travers cette ville l'une des premières fois, lorsque j'y rencontrai X. Mais je n'imaginais pas que cette intersection, cette rencontre, puisse devenir un étranglement. Aujourd'hui, Aube, connue pendant une dizaine d'années, est morte étranglée par son compagnon. Modification notable du mythe, son croisement avec Othello. Variante, elle n'était ni légère, ni double. Détail augmenté, son fils de 4 ans assistait à la scène. L'hiver dernier, je parlais à Judith, cherchant désespérément son Holoferne, sous les arcades de cette même cité miniature d'un espoir défunt d'enfant. C'était déjà un voyage de deuil. Didier de Decker. À la table, ceux qui se couchent sur la page songeaient au jeu qui n'en vaut plus de sang. L'irritation dangereuse partagée des oreilles sans équivoque pour notre futur. Ça commence par la voix. Aube, au début, avait connu Didier de Decker par la radio. Elle lui avait confié des textes pour un groupe de poésie dont il était responsable en 1966. Puis, peu à peu, il avait passé des textes d'elle, rarement sous son nom, elle tenait à la discrétion, plutôt lui prêtant le sien ou bien celui d'autres amis parmi eux. Puis elle avait imaginé une correspondance, constituée à partir de leurs lettres. Elle avait réalisé cela et lui en fabriqué des émissions. Elle avait toujours été à ce point d'évanouissement du récit, depuis les cartes de géographie du lycée jusqu'au fusain, au décor de théâtre, au plafond peint, aux dessins et travaux de livres d'enfants. Elle a créé une quantité d'œuvres sous d'autres noms, celui de son père, de Didier de Decker, des femmes du groupe de la Folie Méricourt ou de Vierzon. Sari, sari, gama, riga, riga, ma, pa, gama, gama, pa, da, ma, pa, ma, pa, da, ni, pa, da, pa, da, ni, sa, sa, ni, sa, ni, da, pa, ni, da, ni, da, pa, ma, da, pa, da, pa, ma, ga, pa, ma, pa, ma, ga, ri, ma, ga, ma, ga, ri, sa. Je prolonge mes antennes pour filtrer, feurter des oracles et je coule dans la bienséance. Un venin dont on échappe vers lui, son venin de sa. Et qu'est-ce que vous vendez ici? Ah, on vend des choses, hein. Des gravures, des peintures, des gadgets, pas du kitsch vraiment. Quelque chose de meilleur. Et on entend souvent, on n'a encore jamais vu ça. Nous venons de Bruxelles, de Paris, de Germany. We should spend our money over here. Les peintures, les gravures et les statues. Les statues. And I must say we try to have something different from the other shops. Hey, we have a lot of shops in Broods and 100 of these shops have all the same things. We are running our business here without personnel, so we have a good quality to the best prices. Et beaucoup d'objets de piété qui sont vendus? Oui, c'est une grande demande. Ils sont rarement à trouver encore ici à Bruges, des objets religieux. Ben voilà, on a les vierges, des, ben, tout ce qui est demandé, des sculptures en bois, taillées à la main, en pierre de marbre, voilà. Bah, pendant toute l'année, il y a des touristes, et pendant toute l'année, comme nous sommes connus, ici en ville, on a un public local aussi, hein, local aussi hein, qui vient ici. Heureusement, hein, heureusement. Hein. Les touristes viennent auprès, hein, voilà, voilà. On les aime, ils sont bienvenus. Hein. Madame est avec? Ah, pardon. Notre mouf de vie, ça tombe. Je regrette. Ça suffit? Ça suffit? Voilà, voilà. Roland Barthes a écrit son roman donc Bruges la morte et nous avons fait donc fureur dans les pays francophones avec ce roman mais avec le développement donc mondial du tourisme et avec la mobilité des Européens Bruges est comme beaucoup d'autres villes devenue une mecque touristique de sorte que ceux qui viennent pour découvrir l'atmosphère de qui est décrit donc dans le roman de Rodenbach, sont certainement déçus. C'est une ville, une très belle ville, une ville romantique, une ville médiévale, mais quand même une société vivante. Je crois que Bruges est la cinquième ville en Belgique en ce qui concerne la population. C'est une ville avec de l'industrie, c'est une ville avec beaucoup de commerce. Ce n'est certainement plus Bruges la morte comme a décrit donc Rodenbach. Par contre, nous avons une longue tradition en ce qui concerne culture, dans tous les domaines. La ville a quand même une tradition centenaire déjà dans la matière de préservation des monuments, restauration des monuments, sauvegarde du patrimoine architectural. Il y a beaucoup de lois locales qui essaient de sauvegarder l'aspect médiéval de la ville. Je vous en cite quelques exemples. Donc la publicité est très limitée, est très sévèrement gardé en main par la ville. Vous ne verrez par exemple pas de néon à Bruges, pour citer un exemple. Les couleurs sont protégées. On ne peut pas peindre sa façade en n'importe quelle couleur. Les toitures sont réglementées. On doit avoir donc un toit en tuiles, oui. Et pas de toit plat. Par exemple, on commence à réaménager les rues pour donner la priorité absolue aux piétons et aux cyclistes pour quand même un peu aménager la circulation, etc. Donc il y a beaucoup de lois locales qui veillent à ce que Bruges ne devienne pas une catastrophe touristique comme beaucoup d'autres villes et surtout comme des villes au littoral. L'Eus est un texte bien plus ancien que X, tous les deux de Didier de Deckers. Il date de peu après leur rencontre. Par sa prononciation variable, il glisse vers la laisse de vers et de vers la voix d'Aub, qu'on entend ici, lire des extraits de son propre texte, opéra jazz, de façon volontairement litanique. Comme toutes les stupidités politiques, ainsi ce naquit arriverait à penser. L'os. Plus tard, je serai os. Plus tard, j'aurai des os. Reste de fer, accro de dents. Balcon des lois, serment sans bout d'épaule jaune, de la nature, du dimanche, à Bruges. Thank you. Quand je rentrais, donc, je prenais à gauche de la cathédrale Saint-Sauveur. J'arrivais tout du bout de la rue en fixant cette image dorée, le point doré au bout, l'œil droit et l'œil gauche chacun sur chacune des deux ailes. Et lorsque j'arrive à quelques centimètres du mur, mon regard directement sur la flèche blanche sur fond bleu, sens obligatoire, et je tournais par la gauche sans marquer un instant d'arrêt. Surprise d'un cerveau d'or, les bras ballants face aux givres, menot vers le Minwater, chemin de terre entre les sommes, noir et lucivert, tout s'inverse d'un jour à l'autre, si fort, flamme lobée, un drap, un crin. Un entretien de la magie, on feuillette près des moulures, croisé dans la bouteille d'encre, troupe écolière tenue des cloches, écrasante supériorité d'imbécile, tableau de Vierge Grasse en contrebas. Pas encerclés de buée, au-delà, au-delà, over ailleurs. Des réminiscences nocturnes aux insomnies, tant l'on des petits rires, où n'agit plus le regard. Je ramasse toujours plein de petites choses qui traînent par terre, des papiers. Là, je viens de ramasser un journal, je crois que je vais en couper des petits morceaux pour les sortir de leur époque, de leur jour, parce que c'est un quotidien. Et souvent, je ramasse comme ça des objets et je fais des collages après, où je les fais juxtaposer, mais ils ont. Justement, on peut plus les replacer ni dans leur contexte, ni dans leur époque. L'air art, on y viendra. Belle médaille sur le Zwin. À l'aube, retroussant les manches, où sont de nouveaux peupliers. Oh, j'y viendrai, à l'éclaircie, soit ce beffroi de mon désir, d'hiver formidable des hanches. Orangé des anges, aux veines de bois de lumière, cames complexes de leurs machines pleines, de gants vers l'est sans fond, l'aimée son teint de mûre, morte. Sautant sur la table, elle joue d'une rengaine, zézayante, intolérable pour lui, hors de la haine, dans la passion savon du cou, tissu drap, torchon, cheveux, longue chanson, Angelina, Jeanne. En quelques minutes, la peau soufflée prit une teinte violette brûlée. Plusieurs décennies après, l'Europe accueillait le scandale. Le quai vert est évidemment très connu, le quai du Miroir aussi, le pont du Moulin moins. Mais enfin, je crois que le Rodemar a pris par-ci, par-là, quelques points qui étaient très connus par les visiteurs déjà à ce moment-là. Ça donne plus de vraisemblance. C'est quelqu'un qui connaît manifestement la ville. Parce que la promenade, si elle est difficile à suivre, est une réalité qui correspond à une réalité dans Bruges. On peut la faire, mais pas, ce n'est pas le chemin le plus direct. Il habitait donc quai du Rosaire. Là, pas de problème. Il va à Notre-Dame, l'église de Notre-Dame, qui est dans le prolongement du quai du Rosaire. Mais alors il revient, il suit Jeanne, qui va jusqu'à la Grand Place, le Beffroi, rue Flamande, ce qui est tout à fait normal, jusqu'au théâtre. Mais alors, un peu plus tard, à un autre endroit du roman, il est à Saint-Sauveur, qui est tout à fait en dehors de cette promenade-là. Puis un peu plus tard, il longea le quai vert, le quai du Miroir, qui est au fond dans un autre quartier que le quai vert, et s'éloigna vers le pont du Moulin. Mais ça fait tout de même 10 minutes de marche, et il faut suivre d'autres quais et d'autres rues. Et il arrive dans les banlieues tristes, bordées de peupliers. Donc ça fait déjà, mettons ici, les remparts, ou bien de l'autre côté. Mais il n'y a pas d'itinéraire, qu'on puisse suivre. Donc, je crois que pour Rodenbach, c'est simplement qu'il importe pour lui de noter quelques rues ou quelques quais qui sont caractéristiques pour Bruges. Bouleversanta, industrieuse neige dont on pariait pure épaisseur de Bruegel, enfin dévêtue, polaire, frottant le ventre au toit de grès, sans trop de viande, gibien os et dur dans le temps, gibien os et dedans, le soir presque mort bien aimant, ennuyé du monde calmement, homme réduit à sa taille par les fenêtres, où vont les bourrasques dansantes sur le passage d'Erasme. À Bruges, on peut dire qu'il y a beaucoup d'os et beaucoup de genoux. On remarque la chaise de Sainte-Ursule dont les os sont disséminés un peu partout dans une vitrine de l'hôpital Saint-Jean. Oui, c'est la chaise de Sainte-Ursule. De Memling. Peinte en 1489. Celle-là, au fond, on n'en voit pas comme ça, hein, maintenant, d'église. Pas d'église, si, tellement non. Non. Alors, comme la basilique de Saint-Jean a été complètement démolie, je me demande si ce n'était pas celle-là. Ah, elle a été complètement démolie. Oui. Mais oui, c'est au début, on a vu les restes du mur. Ah oui, on a vu sur la place du Bourg. Ah oui, c'est ça, bien sûr. Mais quand même, on voit bien les clochers de Saint-Sauveur et le Beffroi. Ce n'est pas ce style-là, parce que c'est plus ancien. C'est Tours, là. On n'existe plus. C'est Tours, là. C'est deux courants. Ça, c'est Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, c'est bien. On est dans l'os et on est un peu dans le côté sec du feuilleté. C'est-à-dire là, on a enlevé toute la peste, toute la putréfaction des corps, un petit peu, moyenâgeuse. On a enlevé la crème de la frangipane et on reste sur le feuilleté. Et même les petits os de Sainte-Ursule qui sont disséminés dans ces tubes d'argent horizontaux, verticaux à côté. C'est un peu comme le 500, c'est quelque chose, c'est pas du tout une matière liquide, quoi. Cette matière liquide, elle fait revenir à quelque chose de profondément sec. C'est hein? Comme tous ces petits objets qui sont dans les casiers, là, sur le meuble de la pharmacie. En fait, on a une espèce d'échantillonnage de matériaux différents, de petites branches, de pierres, etc., qui sont vraiment des. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose que je fais avec les mots, avec les images, avec les choses que je collectionne. En fait, je prends des prélèvements comme ça de mémoire stratifiée en quelque sorte, et qui est réactivée après quand ces choses-là se rencontrent, sont côtoyées ou sont déplacées. Elles se déplacent sans cesse. Je trouve que ces casiers avec tous ces petits cailloux, je suis sûre que si on découpe mon cerveau en tranches, c'est rangé de la même façon. Flash important. Ah, c'est qu'il faut fermer les yeux puis repenser. Même ligne, Sainte-Ursule, petit cloître. Par rapport à ce que je t'expliquais tout à l'heure, justement, comment les choses se font et se déplacent dans la mémoire, j'ai ces quelques notes sur comment ça se passe en fait. Les parasites aquatiques tirent le nerf du nord de sous sa couverture végétale. Poussée radiculaire des points végétatifs en ébauche florale. Air de dispersion des tiges florifères dans la zone contestée des jours courts. Étranglement intermédiaire dans la fosse temporale. Réponses électriques des corps agenouillés. Arc, réflexe, effondrement des muscles volontaires. La tête bascule de bas en haut sur Atlas. Stimulus sonore dans les territoires des animaux muets, endormis sous la double membrane. Dans ce globe aux glaneux flocons, il observe les feux, ainsi, sur les canaux noirs, l'entreprise mystique et dure, en lui, simplement les reflets, glacés au dehors, et les phrases, redites, montant au plafond. Été, avoir été aussi bien, rien, aussi, platement givré, vainement, quai, nu. Là, sur la sphère gothique, viennent s'épanouir les contrées chorégraphiques du cygne. On passerait les doigts vers le duvet sanglant au travers des myriades d'architectures faramineuses et glacées. Le récit s'arrête à cet endroit où ça passe vers la faille noire et le loess. Je crois en effet que la meilleure période pour visiter Bruges, en restant dans l'esprit et l'atmosphère rodenbachienne, c'est plutôt, je dirais, novembre. Je crois qu'il faut plutôt prendre la brume automnale, je dirais le jour des morts, mais évidemment en mai, surtout lorsqu'il fait chaud et beau, ce n'est pas l'idéal pour visiter Bruges dans l'esprit de Rodenbach. Bien que ce soit évidemment une formalité, Rodenbach n'a pas peint la ville telle qu'elle est. Il a refait une ville dans son esprit. Il a recréé une Bruges plus morte que la vraie Bruges morte. Parce qu'à ce moment-là, Bruges n'était pas aussi morte. D'ailleurs, maintenant, vous avez vu, elle n'est plus morte du tout. Nous avons même un peu trop de touristes. Je crois que si Rodenbach devait revenir maintenant, il dirait, voilà, j'ai fait trop de propagande touristique en faveur de Bruges et je le regrette. D'ailleurs, vous savez, Gaston Bachelard, le philosophe français, s'est préoccupé aussi de Rodenbach, indirectement sans doute, mais enfin, de Bruges-la-Morte, par exemple. Lui, il voit dans Bruges-la-Morte l'ophélisation du mythe, n'est-ce pas, de toute une ville qui est ophélisée. Il y a sans doute cela dans Bruges-la-Morte. Mais vous voyez, c'est de nouveau le côté universitaire, je dirais le côté savant. Personne, pas même en Belgique, ne lit presque plus Rodenbach, on ne lit presque plus Rodenbach pour le plaisir. Peut-être que maintenant, grâce à cette exposition, enfin l'actualité qu'on essaye de faire vivre un peu, qu'il y aura sans doute un certain. Mais notez que les libraires, avant la guerre, la dernière guerre, n'est-ce pas, il y avait une grande librairie à la Grand Place. Et ce libraire prétendait, il m'a dit d'ailleurs, qu'il vendait chaque année de l'ordre de 1200 exemplaires de Bruges-la-Morte. Autre peuple peuplié à l'esclavage des fornications se nomme d'autorité quand la place manque, quand la place fait des fautes. L'écrit se livre et son se vérifie. Quand la plume tombe à de l'aile, ma mère m'apprit à lire et à écrire. Pour ce qui est tout s'emboîte horriblement. Dentelles et reliques était le titre d'une série de travaux de Hobbes. Autre série, Peace of Life, Transapparence. Il s'est agenouillé sur les lieux du crime et, avec son index, sur le sol de la maison dévastée par le vent et le froid, notaire et avocat, il a pris un peu de son sang poudreux, mal dissimulé par un drap hâtif. Il l'a appliqué sur son front, troisième œil, sur les tempes, puis sur ses lèvres. Colère, l'âge se calque ou se calcule inutile, le geste de la langue coupée, le silence de l'autre émaille. À propos de solaire, sa mère, il n'a pas ça, et je prie la page blanche à bord. J'ai un texte dans mon cahier un petit peu ancien. Et j'essayais de... qui est un peu une description de comment les choses se passent dans la tête ou dans l'écriture. Et c'est un fonctionnement un peu identique qui se passe avec le canal, par exemple. Lucifuge et obscuricole se précipitent en bousculade, montée des signes précurseurs vers le canal de l'épandime. Querelle solitaire, raspodie éloquente, tentatives apathiques, conversation stratégique, pénétration massive dans les hémisphères. Mêlée, exorde, intrigue, capitulation, comédie, retraite, attente, refus, orientation vers les remparts d'Atlas, vers le trou vertébral. Trou de Magendie, résistance. Scissure de Sylvius, vision. Sillon de Rolando, labyrinthe. Pont de Varol, approche. Trou de Monroe, clôture. Aqueduc de Sylvius, perspective. Clapotis sur l'hypothalamus. Autorégulation des feedbacks. Migration, sommeil paradoxal. Donc c'est vraiment une histoire d'aller-retour, de vertige, de comme une espèce de montée à bout de souffle, comme ça, où je parcours souvent physiquement jusqu'à l'épuisement, où je marche en long, en large, en travers, dans une ville. Là, par exemple, on voit pas grand-chose, c'est un polaroid pratiquement noir, mais il y a quand même des taches de lumière. Et c'est une vierge que j'aime beaucoup. Elle est à l'église Saint-Sauveur, et chaque fois j'ai l'impression d'aller... Ça, par exemple, c'est un passage obligé avant de rentrer à Paris, où je vais voir la Vierge, où il y a un petit palmier à droite, un petit palmier à gauche, des espèces de palmiers, je crois pas que ce soit des palmiers, où j'ai l'impression que c'est une installation de Marcel Brotaers. C'est presque toute l'année qu'on a beaucoup de monde à partir du mois d'avril, Pâques, jusqu'à la fin du mois de novembre. Et est-ce que vous avez remarqué quel type d'objets religieux, d'objets de piété ils achètent en principe les touristes? Des médailles, des chapelets, des cierges. Enfin, c'est un peu le plus important. Des statues aussi, beaucoup de statues, des différents saints. Et Rodenbach, est-ce que les gens parlent de Rodenbach quand ils viennent à Bruges-la-Mort, de Georges Rodenbach, de Bruges-la-Mort et... Pas souvent. Il y a trop longtemps de ça. Parfois, à la télé, on dit ça, Bruges-la-Mort, mais il y a déjà longtemps que Bruges est morte. Viennent alors se présenter des scènes furtives composées de flocons, petits univers projetés sur la vitre de cette ancienne maison basse de Bruges, comme dans une boule de verre. Rodenbach, ça vous fait penser à quoi? Non. Nederlands, meneer. Je spreek geen Frans. Rodenbach, ça vous fait penser à quoi? À rien du tout. Rodenbach, ça vous fait penser à quoi? À bien. Rodenbach, ça vous fait penser à quoi? Pardon? Rodenbach, ça vous fait penser à quoi? La bière. Et Rodenbach, ça vous fait penser à quoi? C'est une bière. C'est une bière, pourquoi? Rodenbach! Ouais, moi je bois pas d'alcool, mais c'est une bonne bière aussi. Rodenbach? Ouais. Ça c'est une brasserie de roulers, hein. Ça c'est bon pour la soif. Quand il fait des chaleurs et tu bois deux ou trois Rodenbach, c'est très bien pour la soif. Mais tu dois faire attention, hein, que ça rentre facilement, mais après, tu peux avoir une cuite aussi, hein. Moi j'aime bien Rodenbach, mais pas trop, une ou deux, quand ça fait très chaud, c'est bien, c'est comme du vin. Le buvard du rideau n'empêche le bonheur de la lumière de passer, ses nappes de dentelle, visage radieusement lisse, nombre d'or, poli dans la moiteur, infâme. Enfin, luxe de solitude, dans quel pays de Sion May, depuis la fermeture de la fabrique, les toits rouges de chez Jacobs, le café du monde, Platane, porteriez-vous mes rêves? C'est la foire de Bruges, la foire de mois de mai, comme à la Paris, la foire du tronc, la foire de Bruges, de mois de mai. On parle souvent de la foire de mois de mai ici. En flamand, on dit toujours de mai four, la foire de mois de mai. C'est connu, c'est des kilomètres en l'entourant. Il vient beaucoup de France, de l'Allemagne, il vient de tout partout ici. Hein. Nous autres, on parle de Ducasse. Ouais. Aventure rapide, elbow, escalier multiple, plongée sourde du soudain nu, entrée, sortie, innombrable, niveau d'immeuble, en poutrelle. Pas terminé. On se penche en avant, l'épaule étouffrant, damé le zinc pluvieux, les molars jaunes, sur la vitre opaque diphtongue, un groupe des eaux gitans de Liège. Oh, tu sais, on a vu des choses bien. L'iguane et l'éléphant, jaunes, se sautaient dessus l'un l'autre, et leurs couleurs se mélangeant. Aux brandes fantasques, crâne luisant du bourdon. Ça ici, c'est de pêche-canard. Pêche-canard, donc c'est pour les enfants, quoi, hein. C'est pas la même comme à la France, hein, le pêche canard à la Belgique. Ici, il tourne dans un bassin. Et en France, c'est dans un bassin qui reste tranquille, le canard. C'est de tout différent, c'est une grande différence. Hein. Enfin, j'ai fait mon possible pour expliquer en français. Hein. C'est une fête traditionnelle ici à Bruges. Oui, c'est déjà longtemps. Hein, ça, c'est avec les processions de sang de Christ Jésus. Donc c'est des processions de chaque année de l'Ascension, le jeudi. Donc il y a une grande procession et le Ducasse, ça va avec. Hein. Ça c'est déjà combien? 200, 300, je ne sais pas combien des ans déjà. C'est déjà beaucoup. Hein. Cette fête foraine, donc, connaît ses origines dans le marché annuel de Bruges, donc déjà datant du 14e siècle. Cette fête est la seule fête qui a survécu les temps. Et on met traditionnellement cette fête foraine, donc, à la place de ce qui s'appelle Zandt. Donc la foire connaît beaucoup de succès, ce n'est pas loin du centre de la ville. Et ce n'est quand même pas tout à fait le centre touristique de la ville. Donc ça ne gêne pas trop. La vieille ville, et quand même nous respectons une tradition. Sarigama gari, sarigari, sarigama, rigama pa magari, gama gari, gama pa, gama pa da pa magama pa ma, gama pa da pa ma da ni da pa ma pa da pa ma pa da ni pa da ni. Peuple peuplé à l'esclavage, des fornications, ces normes d'autorité quand la place manque, quand la place fait défaut, se livre et sent, se vérifie, dans la plume tomba de l'aile, ma mère m'a pris ta livrette, pour ce livre d'orage, je lis Gama pa ma gama pa ma gari ma gari sa ri gama gari gama gari sa. La nuit, au fond des femmes, s'intéresse aux choses humaines, endroit du cras dans le gigot, la toison d'or, Saint-Népomuc qu'on mangea, la boisson cuivre, bonne nuit, monde salvateur. Ainsi la crypte de Saint-Apollinaire, lampe allumée au fond de la classe, dortoir de femmes, hirsute au bord de prairies, cathédrale selon Saint-Denis. Les morts pénètrent tous les trous, aussitôt immédiatement. Ce sont des flocons qui dehors, là les personnes à la vitre, dont l'intérieur se jette offert. Tout à tour, on voit tout changer. Brouillard de l'aube, ou lumière éloignant tous les villages après 17 heures, dans l'hiver, ou encore neige ramassant tout. L'extase est là. Tout flocon y concourt, toute la nature l'engage. Des parcs, tout ouverts, rien putride. Campus de gelée blanche, tout sommet, donne l'impitoyable grâce. Et déponçons le reste noir, du charbon noir, c'est la dilatation des laisses, qu'on abandonne aux hors de gants, visionnaires par les oreilles. Quelques sonorités disjointes se courbant sur la vitre oblongue. Les femmes, c'est une moitié, m'en faut deux, dit le gitan paysan flamand sale, sortant des champs étouffés qui suent de rivières mortes, tenant une carriole à la main, une chèvre, deux bœufs, derrière un second chariot boudiné de parents, de matelas et d'instruments qui débordent rouges, chargés de galus qui couennent et qui flasquent, la plaine humide sous les cieux. Cours pâteau ancré feu, ô disparaît de vers nous, parcours l'errement d'une déperdition réduite jusqu'à la banlieue du 500, parmes certains crus, d'autres laissés en blanc. La tradition veut que c'est Thierry d'Alsace, comte Flandre, qui a apporté la relique du 500 de Jérusalem en 1150, après la deuxième croisade. Mais il y a 20 ans, on a publié un article, c'est publié par un historien, qui a prouvé que c'était impossible qu'il y avait une relique du 500 à Jérusalem dans le temps-là. Mais il y avait bien une relique du 500 à Constantinople. Et il a prouvé, ou presque prouvé, que c'était Baudouin, comte Flandre, qui, après la quatrième croisade, après la destruction ou le pillage de Constantinople, qui a donné cette relique à sa sœur, la comtesse de Flandre, et on pense, on est presque sûr, que c'était cette relique-là qu'on a apportée à Bruges en 1206 ou 1207. On a discuté de l'authenticité de la relique du 500 et on a examiné le flacon. Et le flacon date du 12e siècle, 11e siècle. C'est un flacon de parfum qui était dans les régions de Constantinople en cristal de montagne. Et c'est pour ça aussi qu'on pense que c'est la relique de Constantinople qui est venue à Bruges. Mais il y a différentes reliques du 500 à travers l'Europe. Il y en a 5 ou 6. En Italie, en France aussi, à Boulogne, je pense, oui. En Allemagne et en Flandre, il y en a 2. Mais on dit que l'autre relique du 500 en Flandre, on l'a apporté aussi après la deuxième croisade. Mais on parle aussi d'une autre relique qu'on a apportée après le premier croisade aussi. Et à ce moment-là, ça devient difficile de dire quand on a apporté cette relique du 500. Mais à Bruges, on pense que c'est du début du XIIIe siècle. Ça, c'est presque sûr, mais il y a aussi des discussions sur ça, parce que c'est difficile à prouver. Et la relique elle-même, donc, est-ce que c'est parce qu'il y a deux, d'après ce que vous expliquez, il y a deux choses. Il y a d'une part l'eau. Oui. Qui avait servi à laver le corps du Christ, oui. Et il y a le sang lui-même qui a été recueilli. Donc oui. Cette relique, c'est quoi c'est exactement? Le sang, c'est aussi, on a aussi les légendes du Graal. Et le roman du Graal a été écrit par Chrétien de Troyes sur le commande ou sur l'invitation du comte Flandre Thierry d'Alsace. C'est écrit par un Français, mais c'est commandé par le comte Flandre. Et dans ce roman du Graal, il y a l'histoire de Joseph d'Arimathée qui recueille le sang et l'eau. Et on dit qu'il a mis dans deux flacons. Un flacon avec l'eau et un flacon, l'eau et du sang, et un flacon avec le sang. Et de ça, il y a tous les mythes et toutes les légendes de les chevaliers de la table ronde et en Angleterre, Glastonbury, en Angleterre, où on dit qu'on a eu la calice, le Graal elle-même. Et ici, dans la chapelle d'en bas, vous voyez encore les deux calices dans le mur, là. C'est très primitif. Il n'y a personne qui sait quand on a mis ça dans le mur. Et toutes ces légendes et tous ces mythes, du Moyen Âge, il y a toujours, on parle toujours du Graal, du 500, de l'eau et du sang recueillis par Joseph d'Arimathée. Alors là, on est en bateau-mouche sur le canal. Bon après-midi, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Et en fait, je te fais voir ce parcours sur le canal parce que ces derniers temps où je viens à Bruges, c'est pratiquement plus le seul endroit par lequel je regarde les choses. Et pour moi, le canal est donc un endroit qui me fait ressurgir une mémoire. En fait, j'ai différents supports de mémoire selon le poids des choses que prélever et leurs intentions. Selon les intentions en fait avec lesquelles je les garde en mémoire. Par exemple, je fais assez souvent des polaroïdes parce que je peux avoir la vérification immédiate de ce que je prélève. Ce que j'aime bien dans le polaroïd, c'est en fait le bruit que fait l'appareil lorsque la photographie sort. Où j'ai l'impression que l'appareil ingurgite l'image et recrache en un mot et résume en fait la mémoire que je prélève. Également la statue en marbre blanc de Madone et l'enfant qui a été fait donc sculptée par Michel-Ange. Devant vous le pont Notre-Dame. Je fais de temps en temps des petits prélèvements super 8. Ce sont très souvent des choses très très courtes. Parce que le son de la caméra en fait me donne un rapport au temps comme si ça se déroulait dans le temps exact et où je filme très peu longtemps à cause du bruit de la caméra. Par contre en vidéo je passe de très très longs moments à faire des plans fixes donc sur le canal. Et l'absence de son pendant l'enregistrement fait en fait que je ne me rends pas compte si la caméra enregistre ou pas. Je fais donc souvent des plans assez larges d'abord. Je reste assez longtemps à fixer cette surface qui oscille, qui est perturbée par des petites choses qui tombent, parfois de la pluie, une feuille d'arbre, ou un canard qui passe, puis tout se met à trembler. Je resserre alors le cadre jusqu'à un très gros plan qui me donne une chose assez abstraite. Et avec l'irisation de l'eau, donc il y a des métamorphoses successives. C'est comme si j'allais jusqu'à un espèce d'étourdissement en quelque sorte. Also here on the right, it makes a little pour, you see. It had belonged before to the St. John's Hospital, this place. It also makes a new symbol. Mais je crois que ce que je filme, en fait, plus qu'un prélèvement, c'est plutôt une espèce de mise en condition pour faire émaner une mémoire enfouie. Comme si l'acte de constituer une mémoire permettait à une autre de refaire surface. Par exemple, en ce moment, lorsque je fixe la surface des os du canal, c'est pour faire remonter à la surface de mes os, jusqu'à la surface de ma peau, des mots. Et si je dis ça avec des mots, donc le canal, c'est le lieu de fente des souvenirs. Aaron's Park. Là, c'est le pont et c'est un peu le passage. Le passage obligé, au sens du ma un peu japonais, c'est-à-dire c'est le passage d'une saison à une autre. Parce que si on vient ici pour... je pense au texte de Didier de Decker en particulier, c'est-à-dire que si on vient ici pour retrouver Bruges la Morte ou le texte de Rodin de Bach, enfin bon, c'est un pari impossible, mais c'est un pari à peu près aussi idéaliste que lui. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec le même éclairage ici que celui qu'on peut trouver en hiver. C'est-à-dire que s'il y a un endroit où on veut retrouver en plein été l'hiver de Rodenbach, c'est ici et c'est précisément, je crois, parce que c'est une lumière artificielle, curieusement. De la même façon que Rodenbach était un écrivain... artificielle aussi, enfin son idéalité, sa peinture de Bruges, c'est une peinture complètement idéale, complètement disséminatoire, et dans une sorte d'imprécision fondamentale. Et en même temps, c'était l'écrivain de la plage, c'était l'écrivain de l'hiver élégant et des choses comme ça. Donc il faut, pour retrouver cette ville-là en tout cas, il faut décrasser, quoi, comme on disait, c'est-à-dire enlever la frangipane, laisser le feuilleter, et puis revenir à quelque chose de plus pauvre. Mais en même temps, ce gothique-là, c'est un gothique complètement artificiel. L'éclairage qui est là, on retrouve le même feuillage, effectivement, mais parce que c'est un éclairage totalement factice. Et c'est un petit peu comme quand on passe à côté de Notre-Dame et qu'on veut essayer de retrouver Hugo ou je ne sais quoi. C'est une sorte d'artifice complet, mais c'est aussi par cet artifice-là qu'on est le plus près, sans doute, de Rodenbach, en tout cas. Rilke, Rainer Maria Rilke, que vous connaissez évidemment, a eu des réactions assez proches de celles de Rodenbach lorsqu'il est venu pour la deuxième fois à Bruges. Vous savez que Rilke a écrit deux poèmes sur Bruges, un qui s'appelle Le Béguinage et l'autre précisément Le Quai du Roseur. Il est venu par deux fois à Bruges. La première fois, il était enchanté. Il trouvait Bruges une ville un peu morte, très calme. Et la deuxième fois, il est venu, il est mal tombé probablement. Il y avait sans doute une kermesse quelconque. Et il trouvait qu'il y avait trop d'animation et que Bruges n'était plus dans Bruges. Vous voyez, c'était un peu une réaction similaire à celle de Rodenbach, qui attendait à Bruges la sérénité, le calme, la tranquillité, peut-être le côté mystique, un peu religieux, les cloches, les carillons, tout ce côté poétique. Vous voyez, il y a une analogie, enfin une ressemblance dans la réaction entre Rodenbach et Rilke. Rilke qui est venu un peu plus tard. Dans le noir, le silence des greniers, une cavalcade de bois sans soif. Pour la couleur du liquide, sa texture, sa fécondité textuelle, coulure de l'impensé, radicale et rupture, foutoir et colère ne supportent pas la place prise, dérobée, le geste inutile de la langue coupée, le silence de l'autre animal. Par exemple, là, j'ai des photos Polaroid. Tout à l'heure, je te parlais sur le bateau des différentes façons, des différentes choses que je collectionnais. Et par exemple, et souvent, je prends des notes aussi, des notes écrites, des notes d'images. Bon, ça, ce sont deux signes qui ont été que j'ai pris sur le canal, deux signes blancs qui sortaient d'un pont. De la même façon que le son rentre d'un côté ou ressort de l'autre côté quand un bateau, les bateaux mouches avec leurs commentaires, passent sous les ponts. Et une petite note qui pourrait être en quelque sorte le commentaire de cette photo si j'avais écrit directement sur le Polaroid, mais il se trouve que c'est sur mon cahier, dans tout le désordre de notes que je prends. Je nous suis vus, nous deux blancs, étendus de neige, ressortant de sous le pont, du réseau d'eau, des résédats, des résidus. Donc c'est toutes petites choses, vraiment des résidus comme des petits déchets, tout plein de petites pièces comme ça qui traînent dans mes poches, des petits objets que j'achète, que je ramasse et qui se déplacent autant physiquement dans mes tiroirs, dans ma chambre, alors, qui sont ensuite scotchés sur des cahiers ou qui disparaissent. Et de la même façon, les mots ou les idées dans ma tête, comme ça, se déplacent, se percutent, se rencontrent, disparaissent, meurent, ressurgissent. Je crois que c'est vraiment un processus de déplacement incessant. Donc, ce sont des objets, des mots, des images, des souvenirs qui se côtoient, qui s'entrechoquent, qui s'annulent, qui s'accouple, qui se taise. Par exemple, là, on a la Polaroid, donc c'est un pigeon mort sur le bord d'un trottoir qui a été déjà en partie recouvert par des feuilles. Et en fait, lorsque je fais cet acte de photographie avec le Polaroid, j'ai vraiment l'impression là que je l'ai figé à jamais, qu'il ne va pas plus se décomposer que ça. Et à la fois, quelque part après, j'ai l'impression que j'ai laissé à la place un carré blanc, un trou, et qu'en fait, je me suis emparée de cette mémoire. Guzel. Les vieux sont mieux quant à cinq pieds, pour cinq vers, d'un gaz pauvre parfois, l'hôpital Saint-Jean-Noir, Snoul. ceux qui étreint un râle quelconque. Le rappel des franges d'iges verts, aux genoux singuliers, les poissons bleus sur les étals, la forme de boissons mêlées dans les bols sales, aux épithètes de pourbu, la mer du Nord. Était un brugeois donc d'origine et est considéré ou était considéré comme le plus grand poète dans en notre langue qui est donc le néerlandais ou le flamand comme vous voulez aux Pays-Bas ils disent le néerlandais disons le flamand mais c'est exactement la même langue mais c'était donc un poète un très grand poète et qui a non seulement une grande partie de sa carrière vécue à Bruges, mais il a décrit beaucoup dans ses poèmes la vie à Bruges, la ville de Bruges aussi, les traditions. Donc, il est vraiment considéré comme le grand poète flamand de Bruges. D'ailleurs, nous avons encore son statut, sa maison natale qui est maintenant musée. Oui, il est très important, mais il a écrit aussi en brugeois, pas en irlandais, c'est en dialecte, et c'est très mélodieux comme ça. Pour les brugeois, c'est évidemment le grand poète brugeois, et pas seulement pour Bruges, parce qu'enfin, c'est un grand poète, évidemment, c'est un grand poète. Mais c'est un poète qui a, comme beaucoup de poètes, beaucoup écrit, et tout ce qu'il a écrit, il y a beaucoup de poèmes de circonstances là-dedans aussi, qui ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais il y a tout de même quelques poèmes qui sont remarquables, qui le classent, je crois, au niveau d'un grand poète. Fils vert de la grille, grise, pigeon de céramique volant, une seule fois la coïncidence rassemble, la vision verdâtre du temps nous fait ôter les lunettes, quitter le livre, fermer les fenêtres. Pleut à peine, insensiblement, collision textuelle, il expire bruyamment, avenant vers les écoles napronnes, parvis, cause, creusée. L'ours, d'abord l'ours, matinée nous appartiennent. Burg, sur le rebond de tuiles claires, trouant les longs feuillus pâles tilleuls, près des meuniers, les récits des ypres de jet. Que le soir coche, peste étrange fauvant les cours, le sang terrible, de béguinage au pancréas, celui que je suis venu chercher, les odeurs désuètes, plier. Jeanne. C'est un bâtiment en reflet dans l'eau. Mais c'est le seul que j'ai fait parce que ça se passe pas dans la photo. Cette histoire de reflet et d'ondoiement, c'est quelque chose qui se passe beaucoup plus avec la caméra. Si je regarde le reflet comme ça, sans cadrage, en fait, il se passe pas grand-chose parce que j'ai trop de choses autour et il y a trop la présence des bâtiments, des gens qui passent. Alors que dès que j'ai l'œil dans la caméra et surtout en très gros plan, en fait, je m'isole très vite et je rentre dans cette espèce de magma. Je t'expliquais justement qu'il faisait ressurgir toute une mémoire. Donc cette fascination pour le canal, j'appelle ça le double irisé. C'est l'impression de voir tout en double, mais plutôt. C'est pas vraiment ni dans un miroir ni derrière un miroir, mais comme si c'était un miroir mou et en fait qui s'agite et qui démultiplierait les images et les mémoires. Et où les tremblements de l'eau font en fait que tout d'un coup tout oscille et tout me vacille. Et à partir du moment où la mémoire, où une certaine mémoire commence à réémerger, à me remonter, très souvent je décrypte un peu tous les signes, tous les petits détails que je peux percevoir, se connote très souvent d'une espèce d'annonce de mort, dans le sens d'une mort qui fraude, qui frôle, qui se glisse comme ça, qui se glisserait entre les pavés, les petits papiers qui se coincent, des choses comme ça. Mais peut-être ça aussi parce que je sors en fait et que je marche et que je regarde le canal seulement quand il pleut. Peut-être je me confonds à l'enfance, même chair, même mouvance. Au rythme rapide du Jeanne, la chair de grenouille, cuisse bras dos, en point noué, subreptice, la chasse de la procession traverse ses fibres au moment de la sente à ce point chaude, ramassie. Dieu est son âme pour le gros chat mort, gris le poil et pourpre la tripe, dont la dépouille heurte la vitre, menée de loupiote à distance des agonisants du Rosaire jusqu'à Saint-Jean. La cloche de bois, horrible finance, par pharmacie, puant assis avec des touches, entraille en orchidée, corps en blouse, le teuf. Pâte de bois chaud, les veines, des anges agenouillés, l'or sacré sur les draps dramenés, coursant des aunières de plaies, vergues de barbarie, canard, colère. Vent frissant, poche arrière, haut des blas de porche gothique, long du quai, ces vives excavations, vent soudain, dont tache sans réglage au déclet des cambrures. Bandelette d'ailes je veux à l'avance. Vous que voulez du vivant, haïnou. Le quai de Saint-Pierre, je voulais d'ailes en débord. Ah, j'arrivais, j'étais bon. Dors, dors mon petit enfant, t'es mort. Pourquoi ce bon Wams mon corps? Ici, la boucle est disposée. À un siècle d'écart et à près de 30 années de distance, le point de non-retour était un passage obligé. Toujours à peine décalé, légèrement défait, le nouageux. J'ai connu X à Bruges. Sainte Barbe protégeait sa tête blonde à coiffure d'artichaut à travers la porte et par les genoux. Au-delà des cordons de dune, elle avait certaines sécheresses de brande en causse et rue à découvert. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle accepte cela. Goulue malgré des gêneurs lointains, l'arrachement. Orangina sur une terrasse désertée de zinc acide précisément. Je suis pragmatique et assez petite. Je l'avais rencontrée à Anvers. Elle était venue rapidement. Ensuite, en lui laissant mon adresse à la poste restante, j'oubliais de lui donner mon nom. Vous me voyez? Je crie. c'était un point d'étranglement. Elle passait la tête à travers son crépon. Ça sent la pisse. On entend les oiseaux. X ne voulait pas me laisser passer avec mon pot vert, mon pot bouilli marron. Sa condensation et l'effet de rupture successive sur une ligne, puis faux regroupement des fragments. Sylvain rentre, puis le chat Henri. Succession de cadres dans les couloirs à deux croix rouges et un fond plâtré gris. Memling. Merveille de tout mouvement en cours, de l'organisation en train de se chercher, de l'année basculante et de nous parmi. J'ouvre la baie, les brouillards, la bise fraîchie de soleil sur les tranchées de neige vers la plaine du Nord. Avantage certain du cinéma sur la photographie, sa disparition, de toi surtout, la respiration. Beauté inverse de Baudelaire devant la stupéfaction d'un tel consentement à l'avenir qui passe par X, à présent, sur la droite. Attendu partout, je me souviens. J'ai répété depuis. Dans l'Arons Park, puis vers les Brasseries Blanches, ou devant la Flèche de Notre-Dame, ou pleurant sur le quai vert face aux claquements peupliers. J'étais le long des grilles du parc. J'agressais des individus traînants. C'était sinistre, l'aspect général des cordons monotones. Le mouton ou la chevelure? Les illuminations, le tout gonflé et vide, constatant tout à coup la chute des fils à plomb, leur tombe. Pas pour autant décrier le mérite de l'horizon Van Eyck. À l'air désespérément, devant le dige vert, puis à l'intérieur de son cadre autour, où je voyais les sombres passants vers les basses maisons Dieu, dans un sens, puis rentrant mes propres épaules comme un chariot portant un agonisant. J'ai tant marché des siècles précédents le petit Gérard et son caillou noir, sa lanterne. Place de la Vigne, puis de la surgissante cathédrale imprévue, au fond et traversant les feux allumés sur les canaux, tout ce temps, ce mouvement, sans culture, sans cesse, ce cinéma, sans pouvoir m'arrêter. Un toit partout, ardoise ou tuile, toujours à découvert. Le soir devant la silhouette du grand palais Grutthuis, l'hiver, mais qui? Parfois je tombais à genoux, bêtement, et je m'entendais répéter « C'est cela, l'horrible. Un tel mouvement ne se répète pas. » Sortir du palier misérable est bon, et de la plaine noire. Elles appellent tout le temps. Elles ont toutes fui. Éclats ambulatoires sous le crâne rapetissant au tirement des cordes à travers ce coton, nous tenons, X et moi, de part et d'autre de cette boîte du reliquaire à sa périphérie. Elle fulminait contre les lueurs hâtives de la bonne matinée des lacs plats de la cité miniature flamande, alors qu'elle ne connaissait pas encore mon départ. Détachée de toute atmosphère licencieuse, dans une promiscuité d'inscription. J'avais gardé Henri, le chat, dans le blind hystérique et enfumé d'une réunion. Didier de Decker. L'événement résulte des corps, de leur mélange, de leurs actions et passions. Son essence, pur effet de surface, impassible, incorporel. Et c'est bien l'angoissant de l'événement pur, qu'il soit toujours quelque chose qui vient de se passer et qui va se passer tout à la fois, jamais quelque chose qui se passe. Le X, dont on sent que cela vient de se passer, c'est l'objet de la nouvelle, et le X, qui toujours va se passer, c'est l'objet du conte. L'événement pur et conte et nouvelle, jamais actualité. C'est en ce sens que les événements sont des signes. Gilles Deleuze, Logique du sens. Nuit magnétique, Bruges disparu, Bruges retrouvé. Avec la participation de Sabine de Calendar, Didier de Decker. Nous remercions Didier Asperlag pour le 500, Marcel Van Outry à propos de Rodenbach. Réalisation Christine Robert. Mixage Jean-Claude Gauthier. Collaboration technique Franck Malabry. Les textes de Didier de Decker étaient lus par Jean-Luc de Baptiste. Nuit magnétique, bonsoir. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 juin 1992. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.